يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يسرني أن ألتقي بإخوة الإيمان وأحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان نلتقي فيه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه اللقاءات تعتبر دواء لقلوبنا وتقوية لإيماننا وعلوا لدرجاتنا ومغفرة لزلاتنا وتصحيحا لمفاهيمنا وتقويما لنا في حياتنا فلهذا ينبغي علينا أن نحرص على هذه اللقاءات لما فيها من النفع ولما فيها من الخير ولما فيها من الأجر ولما فيها من الثواب Je me réjouis de rencontrer mes frères en foi et je loue Allah Azza wa Jal qui a fait qu'on se réunisse dans cet endroit afin de nous y rencontrer, de nous rencontrer selon le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ces rencontres elles sont considérées étant un remède pour nos cœurs, une fortification pour notre foi, une élévation pour nos degrés, une absolution pour nos péchés et une rectification une correction pour notre compréhension et une directive et une instruction pour notre vie. Et donc il convient à tous qu'on soit ardent et qu'on désire se rencontrer pour ces assises de science où l'on trouve de nombreux bienfaits, où l'on trouve du bien, où l'on trouve grande récompense. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا منا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة قال فاجتمعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وستصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فيقول هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إمامه فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه. الإمام مسلم a rapporté dans son sahih d'après le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qui a dit: nous étions en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Nous sommes descendus dans un endroit. Nous avons fait halte. Parmi nous, certains préparaient leurs armes. D'autres préparaient leurs tentes et d'autres étaient en compagnie de leurs troupeaux. Et un héros du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est écrié. L'appel commun. Alors, nous nous sommes rassemblés. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah azza wa jal n'a pas envoyé de prophète avant moi sans qu'il lui ait été un droit, un devoir d'indiquer à sa communauté ce qu'il a eu connaissance comme bien pour eux et de les mettre en garde contre le mal qu'il a eu connaissance pour eux. Ensuite, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi en disant: et certes, cette communauté, son salut se trouve dans les premiers, c'est-à-dire les premiers musulmans. Et les derniers de cette communauté seront atteints d'épreuves et de points, de choses que vous répugnerez. Et viendra l'épreuve, et viendra d'autres épreuves, dont la première sera plus légère, moins importante que la deuxième. Et viendra une épreuve, et dont le croyant dira: celle-ci est celle qui me fera périr. Et puis cette épreuve disparaîtra. Viendra d'autres épreuves, et le croyant dira: celle-ci, celle-ci. Et celui qui désire être écarté du feu et entrer au paradis, alors que la mort ne l'atteigne, en croyant, en ayant foi à Allah et au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens comme il désire que les gens se comportent avec lui. Et celui qui fait pacte d'allégeance à son dirigeant et qu'il s'est engagé à lui obéir de manière apparente et de manière cachée, c'est-à-dire dans le cœur, alors qu'il obéisse à ce dirigeant selon ses capacités. Et si une autre personne venait à disputer le règne, le pouvoir de celui qui est en place, alors frappez-le son coup. فهذا الحديث يعتبر علامة من علامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بأمور لم تكن موجودة في زمنه فقد ظهرت. Et donc ce hadith qu'a rapporté l'imam Muslim, on le considère comme un signe parmi les signes de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il a informé sur des choses qui n'étaient pas présentes en son époque et dont ces choses ont été apparues ou viennent d'apparaître et elles ne cessent d'apparaître. فهذا الحديث يقول عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل العابد الزاهد رضي الله عنه الذي كان كثير العبادة فانقطع للعبادة وكان شابا وهو من شباب الصحابة فانقطع للعبادة فكان يقرأ القرآن كله كل يوم وكان يصوم كل يوم وكان يقوم ليلة كلها وهو في شبابه وأبوه زوجه بامرأة شابة جميلة حسنة فكان أبوه يزوره بين الحين والآخر ويسأل زوجته كيف عبد الله فهي تقول نعم العبد عبد الله ما فتش لنا كنفا ولا وطئ لنا فراشا انظروا شاب في تكامل قوته ولكنه ينظر إلى البعد وينظر إلى ما هو أرفع من شهوات الدنيا فانقطع للعبادة ولم يشتغل حتى بالمباحات وإنما انشغل بالعبادة والطاعة. Concernant le hadith, le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma était un compagnon illustre, un fervent adorateur qui s'est consacré à l'adoration en se détachant des choses licites désiré dans cette vie ici-bas. Il multipliait les actes d'adoration. Il était un jeune. Il faisait partie des jeunes compagnons. Il s'est adonné à l'adoration. Il lisait le Coran tout entier chaque jour. Il jeûnait chaque jour et il passait les nuits, toute la nuit, en prière, alors qu'il était jeune. Son père l'a marié à une femme jeune, d'une grande beauté, et son père le visitait de temps en temps. Et il interrogeait son épouse. « Comment est Abdullah ?» Elle répondit « Quel serviteur que Abdullah ?» Il ne s'est pas tourné vers nous. Et il n'est venu vers nous dans le lit conjugal. Méditez, regardez ce jeune qui était au summum de sa vigueur, de la force. Mais il regardait loin. Et il a regardé ce qui était plus préférable que les choses désirées, licites, de cette vie d'ici-bas. Il s'est détaché, il s'est tourné vers l'adoration. Il n'a pas été préoccupé par les choses licites de cette vie d'ici-bas. Et seulement, il s'est adonné à l'adoration et à l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. فطال الأمر على أبيه فأخبر أبوه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقيني به اجمع بيني وبينه. فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تقرأ القرآن؟ فقال عبد الله أقرأ القرآن كل يوم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في الشهر. فأخذ يستزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه أو اقرأ القرآن في العشرين إلا أن قال في الثلاث. وجعل يستزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ثم قال له كيف تصوم؟ قال له أصوم الدهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما. فقال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. Donc le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As a persévéré dans cette adoration jusqu'au point que son père s'est rendu auprès du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui en a informé. Et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit fais que je le rencontre, rassemble-nous. Et donc le fils Abdullah est venu vers le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit comment lis-tu le Coran? Il a répondu je le lis chaque jour. Ensuite le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lis le Coran durant un mois. Ensuite, le compagnon a demandé au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lui rajoute. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lis le Coran durant 20 jours. » Jusqu'à ce qu'il lui a dit « Lis le Coran durant 3 jours. » Et le compagnon a continué a demandé au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lui rajouter, c'est-à-dire de permettre de lire plus. Et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne comprendra pas celui qui lit le Coran moins que 3 jours. Et ensuite le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé au sujet de son jeûne. Il lui a dit, comment jeûnes-tu? Il a répondu, je jeûne chaque jour. Ensuite le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jeûne 3 jours chaque mois. Et le compagnon Abdullah radiallahu anhu a dit, je peux, j'ai la capacité de mieux que cela. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jeûne un jour et mange un jour. Et il lui a dit, le compagnon Abdullah radiallahu anhu, j'ai la capacité que mieux que cela. Et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a pas mieux que cela. Le meilleur jeûne était le jeûne qu'accomplissait Daoud alayhi salam, qui jeûnait un jour et qui mangeait un jour. Et le meilleur de veiller la nuit en prière et ce qu'accomplissait Daoud alayhi salam, il dormait la moitié de la nuit. Il se levait pour accomplir la prière son tiers et il dormait le 1/6. Fabaqiya Abdullah radiyallahu anhu ala hadha al-hal hatta tawaffahu Allah azza wa jall. Onzuru hadha al-shab kana 'indahu nashat وكانت عنده قوة في العبادة حتى نسي شهوته وزوجته. ولم يشتغل بما أحل الله له من المباحات. وانظروا إلى المرأة العاقلة فكلما سأله أبوه أي أبو عبد الله قالت نعم العبد عبد الله ما فتش لنا كنفا ولا وطئ لنا فراشا فهي تعرفه وما شكت إلى أبيه بل تمدحه وتثني عليه. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As est resté ainsi. Donc il a suivi les conseils du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que Allah reprenne son âme. Et regardez, méditez sur ce jeûne qui avait de l'ardeur, qui avait de la force dans l'adoration, jusqu'au point qu'il a oublié les choses désirées de cette vie d'ici-bas, les choses licites désirées de cette vie d'ici-bas. Il a même oublié son épouse. Il n'a même pas été attiré. Il n'a même pas été préoccupé par ce que Allah a rendu licite dans cette vie d'ici-bas. Et de même, regardez et méditez son épouse, qui était une femme sage, douée de compréhension. Que chaque fois que le père de Abdullah venait à elle et l'interrogeait. Comment est Abdallah ? Elle répondait : quel bon serviteur que Abdallah. Il ne s'est pas tourné vers nous et il n'est pas venu à nous au lit conjugal. Ici, elle a fait connaître au père de Abdallah comment était son fils, comment il agissait avec elle. Mais elle ne s'est pas plainte auprès de son père, mais plutôt, elle a loué et elle l'a complimenté. فهذا الشاب الذي نشأ على طاعة الله يقول في هذا الحديث كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا أي من المعلوم أن المسافر يقطع مراحله لينزل في مكان للراحة أو ليترك رفقاءه ليأخذ راحتهم والرواحل تأخذ ناصبها من المرعى فإذا كان الإنسان في سفر ومعه الرواحل فينبغي له أن يعطي الفرصة لها من أجل أن ترتعي سواء كانت من الإبل أو من الحمير أو من الخيور وغير ذلك. Et donc ce compagnon, ce jeune compagnon qui a passé sa vie dans l'adoration nous dit dans ce hadith, nous étions en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Et nous sommes descendus, nous avons fait halte dans un endroit. Et il est connu que le voyageur, donc celui qui voyage, qui parcourt des longues distances, il lui convient de s'arrêter dans un endroit afin de se reposer, et que s'il a des personnes avec lui, sa famille ou ses amis et autres, il convient également qu'il leur permette de se reposer. Et si cette personne est en voyage et il est en compagnie d'animaux, des montures, également il doit permettre à ses montures d'avoir une part de repos afin de paître. Et donc celui qui voyage et qui a des montures, il faut qu'il donne le droit à ses montures, c'est-à-dire de paître, afin qu'elles puissent se reposer, que ces montures soient des chameaux, dromadaires, des mulets, des chevaux et autres. ثم قال منا من ينتظر أي يصلح سلاحه والنبلة ومنا من يصلح خباءه أي خباء المنزل لينزل فيه ومنا من هو في جشره أي في ماشيته. Et donc le compagnon a poursuivi en disant « parmi nous ». Donc quand ils ont fait halte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, certains d'entre eux étaient en train de préparer leurs armes, d'affûter leurs flèches. Et d'autres étaient en train de préparer les tentes afin d'y loger. Et d'autres étaient occupés avec leurs troupeaux. ثم قال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا يَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةُ الْجَامِعَةُ فَيَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ سَوَاءَ كَانُوا فِي الْمَدِينَةِ أَوْ فِي السَّفَرٍ فَعِنْدَمَا اجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكُمْ على استسلام وانقياد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتثاقلون عندما يطلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما a poursuivi en disant: un héros du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié l'appel en commun. Ensuite, il faut savoir que lorsque le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il désirait informer d'une chose à ses compagnons, il demandait à un héros d'appeler les gens par la formule « As-salatul jami'a », c'est-à-dire l'appel en commun, c'est-à-dire que tout le monde devait répondre à cet appel. Et donc, les musulmans, en entendant cela, ils se réunissaient, ils venaient vers le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se trouvaient soit en ville ou soit en voyage. Et lorsque donc les compagnons, qu'Allah les agrée, se sont réunis autour du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cela vous prouve, vous indique de l'obéissance et de la soumission des compagnons, qu'Allah les agrée, envers le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il les appelait, il les convoquait, il ne s'attardait pas, il répondait directement à son appel. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذر الشر ما يعلمه لهم فهذا الدليل على أن الأنبياء والرسل بلغوا أممهم ما أمرهم الله به وعلى سبيل المثال نوح عليه السلام. Et donc le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les compagnons se sont réunis, Allah n'a pas envoyé de prophète avant moi sans qu'il lui était un droit, un devoir d'indiquer à sa communauté le bien qu'il a eu connaissance pour eux et de mettre en garde sa communauté contre tout mal dont il a eu connaissance pour eux. Et donc cela est une preuve que les messagers et les prophètes ont transmis à leur communauté en ce que Allah Azza wa Jal leur a ordonné. Et par exemple, Nuh alayhi salam, يقول الله عز وجل في سورة النوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزد عن دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجعون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا نوح عليه السلام يتودد ويلين في دعوته بقومه فكان يرغبهم في هذه الدعوة في دخول في الإسلام كدعاهم ليلا ونهارا سرا وعلانيا وكان يجتهد في دعوته. Et pour exemple, Nuh alayhi salam, comme Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Nuh, il a dit: Ô Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés afin que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles et ils se sont couverts de leurs vêtements et ils se sont entêtés et ils se sont enflés d'orgueil. Puis je les ai invités ouvertement. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et je leur ai tenu des confidences et je leur ai dit: implorez le pardon de votre Seigneur car il est très grand pardonneur et il vous descendra du ciel et il vous enverra du ciel des pluies abondantes et il vous donnera du bien, des biens et des enfants. Et il vous accordera des jardins et des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé en différentes étapes? Et donc, concernant ces versets, Nuh alayhi salam, il a usé de sagesse, de gentillesse, lorsqu'il a invité, lorsqu'il a appelé son peuple, il leur a annoncé des bonnes nouvelles, il leur a incité à venir à l'islam, à répondre à cet appel. Il les a invités nuit et jour en leur tenant des confidences et des proclamations publiques. Et il s'est efforcé, il était motivé dans cet appel à son peuple. وَانْظُرُوا إِلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ الَّذِي وَجَاهُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فنوح عليه السلام يرغبهم بالخير وبالرزق إذا دخلوا في الإسلام واستقاموا على شرع الله وإذا رجعوا إلى الله عز وجل وما كان يعنفهم عليه السلام بل كان يرغبهم وهكذا دعوة الرسل فكانت على أكمل وأحسن الوجه كانوا يرغبون وينذرون وهكذا ينبغي لدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا مجتهدين ويدعون بأسلوب حسن وبالعلم الشرعي يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Et donc regardez le style qu'a employé Nuh alayhi salam lorsqu'il a fait face à son peuple. Il a dit, je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, et il est très grand pardonneur. Et il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il vous accordera des biens, des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. Et donc Nuh alayhi salam, il a annoncé bonne nouvelle. Il aura annoncé comme bonne nouvelle du bien, de la subsistance, si ils entrent dans l'islam. Et s'ils se conforment à la législation d'Allah, et s'ils reviennent à Allah. Et Nuh alayhi salam n'a pas maltraité son peuple. Il n'a pas usé de dureté, de sévérité. Et plutôt, il les a incités en leur annonçant des bonnes nouvelles. Et ainsi, elle appelle des messagers et dont leur appel était un appel complet et parfait. Ils annonçaient des bonnes nouvelles et ils mettaient en garde. Et donc il convient à tous ceux qui prêchent, qui invitent à Allah Azza wa Jal, qu'ils soient tout d'abord des prêcheurs studieux, qui ne soient pas paresseux. Et également, qu'ils invitent en utilisant un bon style. Et qu'ils invitent surtout les gens avec la science. Allah Azza wa Jal dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au chemin de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم توطئة لما سيخبر في هذا الحديث وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم وأين أيضا يجب علي أن أدلكم إلى خير ما أعلمه لكم وأن أحذركم شر ما أعلمه لكم وهذا واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَ. Et donc, lorsque le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ces propos, ceci tient d'introduction à ce qu'il va citer par la suite dans ce hadith. C'est comme si le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, et moi aussi, il est une obligation que je vous indique le bien en ce que j'ai eu connaissance pour vous et que je vous mette en garde contre le mal dont j'ai eu connaissance pour vous. Et donc cela était une obligation au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jal a dit, ô messager d'Allah, ô messager, transmets ce qui a été descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. فالله سبحانه وتعالى فقد أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ فلهذا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد بلغ ما أمره به ولهذا أن الله سبحانه وتعالى فقد أكمل الدين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et donc Allah عز وجل a ordonné au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de transmettre. Et ainsi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas décédé sans qu'il avait transmis ce que Allah lui avait ordonné. Sans que Allah lui avait ordonné. Donc, le messager d'Allah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a transmis ce que Allah lui avait ordonné. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, à l'époque du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a parachevé la religion. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Allah Azza wa Jal lui a ordonné, que ce soit les obligations ou les interdictions, il l'a transmis. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai accompli sur vous mon bienfait et je vous ai agréé pour vous comme religion l'islam. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بين الحين والآخر فكان يبشرهم وينذرهم فإذا كان يبلغه عنهم شيء يحذرهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على الكتاب والسنة وعلى الدين حتى أنشأهم أحسن تنشئة ورباهم أحسن تربية. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc comme on a dit, il a transmis ce que Allah lui a ordonné. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé bonne nouvelle, il a mis en garde contre le mal. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il exhortait de temps en temps les compagnons en leur annonçant des bonnes nouvelles, en leur mettant en garde contre le mal. Et ainsi, il a éduqué ses compagnons au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et selon la religion. Jusqu'à ce que les compagnons ont évolué dans la religion d'une bonne manière et il les a éduqués également d'une bonne éducation. وَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعِذُ أَصْحَابَهُ بَيْنَ الْحِينِ وَالْآخَرِ. Et regardez comment le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exhortait les compagnons de temps en temps. فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِحَيْنِ أي فِي صَحِحَ الْبُخَارِ وَفِي صَحِحَ مُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما سمعت مثلها قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى الصحابة وجوههم ولهم حنين وفي رواية أقبل أو بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه الشيء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فقال ما رأيتك اليوم في الخير والشر لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى الصحابة وجوههم ولهم حنين من البكاء. Et donc parmi les exemples que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il exhortait ses compagnons de temps en temps. Le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et de même par Muslim dans son Sahih, que le compagnon Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a tenu un sermon que je n'ai point entendu auparavant. Et il nous a dit, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurez beaucoup. Et les compagnons, à cet instant, ont couvert leur visage et ils se sont mis à pleurer. Et dans une variante, on a transmis, Allah Azza wa Jal a transmis au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un fait pour les compagnons. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les compagnons, il a loué Allah et l'a complimenté. Et il a dit, je n'ai pas vu, comme aujourd'hui, de telles choses dans le bien et dans le mal. Et si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Et donc les compagnons à cet instant ont couvert leur visage et ils se sont mis à pleurer. وَهُنَا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يبلغه عن الصحابة شيء من الخير يبشرهم بذلك فقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui informait d'une chose concernant les compagnons, et dans cette chose qu'il y avait du bien, alors le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informait les compagnons. Pour exemple, le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et par Ibn Majah dans son Sunan, du hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب رجع من رجع وعقب من عقب فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فقد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتي وهو يقول أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة ويقول الله عز وجل انظروا إلى عبادي فقد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. Et donc, exemple, le hadith qui a été rapporté par le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui a dit, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigés en prière pour la prière du Maghrib. Certains compagnons sont partis, ils sont retournés chez eux. D'autres sont restés. Et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous en s'empressant, essoufflé, et dont il a laissé apparaître ses genoux. Et il a dit, réjouissez-vous, votre Seigneur a ouvert une porte du ciel, une porte du ciel, et dont il vante vos mérites auprès des anges. Et ensuite, il a dit, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dit à ses anges, regardez mes serviteurs, ils ont accompli une prière obligatoire, donc la prière du Maghrib, et ils attendent une autre. Huna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha anima hadha al-khayr wa hadhihi al-bishara asra'a biha ila as-sahaba ridwanullahu alayhim mimma yadulluhum bihi ila al-khayr. Et donc le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a eu connaissance de ce bien, de cette bonne nouvelle, il s'est empressé de l'informer à ses compagnons afin de leur indiquer ce bien dont ils auront une grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa aydan ja'a fi sahih Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من الصحابة وهم يذكرون الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجلسكم قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك فقال لهم إني ما أستحليكم تهمة ولكني أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. Et une autre preuve qui est rapportée dans le Sahih de Muslim, que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers les compagnons, et les compagnons étaient réunis en assise. Et il mentionnait, il se rappelait le nom d'Allah Azza wa Jal. Et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qu'est-ce qui vous a incité à vous asseoir? Ils ont répondu, nous nous sommes assis afin de nous rappeler que Allah Azza wa Jal, de nous rappeler d'Allah qui nous a guidés vers l'islam. Et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il n'y a que cela qui vous a incité à vous asseoir. Ils ont répondu, par Allah, il n'y a que cela qui nous a incité à nous asseoir. Et ensuite le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Et certes, je ne mets pas en doute vos propos. Mais est venu à moi Jibril, qui m'a informé que Allah vante vos mérites auprès des anges. Et on va évoquer un autre hadith, et le dernier. An Fadala radiallahu anhu قال كما جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال صلى أصحاب الصفة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجال منهم يخر من عنقانتهم أي يتساقط ويعمى عليهم من شدة الفقر والجوع وهؤلاء كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلبوا العلم وأقرهم بذلك صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم اذهبوا واطلبوا الرزق من أجل أن يبقوا ليطلبوا العلم من الكتاب والسنة فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لدعوتم الله أن يزيدكم فاقة إلى فاقتكم وفقرة إلى فقرتكم وانظروا مع الأسف اليوم أصبح معظم المسلمين يصيح من بطنهم أو من بطونهم ولا يصيح أن الدين قد تغيره أهله وأن المعاصي قد ارتكبت وأن الواجبات قد تركت فأصبح معظم المسلمين يغضبون على بطونهم وعلى شهواتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهؤلاء الصحابة اذهبوا واشتغلوا ولكن قال لهم لو تعلمون ما عندكم من الله ما عندكم عند الله من الأجر لدعوتم الله أن يزيدكم فاقة إلى فاقتكم وفقرة إلى فقرتكم. Et donc pour terminer cette première partie, on termine par le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Le compagnon Fadalat ibn Abid radiallahu anhu a dit: on priait derrière le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les gens de Soffa. C'est dans la mosquée du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un endroit couvert qui était que pour des compagnons qui avaient pris l'intention de rester auprès du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin d'apprendre la science, comme le compagnon Abu Huraira radhiallahu anhu. Il ne restait qu'auprès du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas de demeure, ils étaient pauvres et ils vivaient dans la mosquée du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ses compagnons avaient prié derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, durant la prière, certains parmi eux sont tombés. D'autres se sont évanouis, dû qu'ils étaient pauvres et qu'ils avaient faim. Car ses compagnons avaient décidé de rester, de s'attacher à cet endroit pour écouter, pour prendre la science du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a approuvés. Il ne leur a pas dit, sortez de la mosquée, partez, allez rechercher votre subsistance. Car ils sont restés afin d'apprendre la science provenant du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la transmettre. Et comme vous le savez, le compagnon qu'on a cité, Abu Hurayra radhiyallahu anhu, est le compagnon qui nous a rapporté le plus de hadith. Et donc, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers eux et leur a dit, si vous saviez ce que vous avez comme récompense auprès d'Allah, vous demanderez, vous invoquerez Allah pour qu'il vous rajoute pauvreté à votre pauvreté, indigence à votre indigence. Et donc regardez malheureusement, à notre époque, dans les pays musulmans, de nombreux musulmans élèvent la voix, crient, que pour leur ventre. Et ils ne crient pas, ils n'élèvent pas la voix, que la religion, que les musulmans ont modifiée, qu'ils ont modifié la religion en s'adonnant à l'association, aux innovations et autres. Et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit à ses compagnons, il ne leur a pas dit à ses compagnons de sortir, d'aller chercher du travail. Et donc ces musulmans aujourd'hui, s'ils méditaient sur ce hadith, ils n'agisseraient pas comme ils ont agi à notre époque. Et ces musulmans, malheureusement, ils ne s'énervent simplement que pour leur ventre, que pour les choses désirées de cette vie d'ici-bas. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué à ses compagnons qui étaient très pauvres en leur disant, si vous saviez ce que vous avez comme récompense auprès d'Allah, vous demanderez à Allah qu'il vous rajoute pauvreté à votre pauvreté et indigence à votre indigence. فنقتفي بهذا القدر وإن شاء الله سنواصل شرح هذا الحديث غدا إن شاء الله. Donc on va se contenter donc de ce qu'on a vu, donc c'est la première partie, et إن شاء الله demain donc on terminera donc l'explication de ce hadith, où l'on verra donc dans la deuxième partie les recommandations donc de notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a formulé aux serviteurs croyants donc lorsque va arriver des troubles comme à notre époque. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.